بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours 19 dans l'explication du livre de Cheikh Rasulullah Abbas, حفظه الله تعالى, qui s'intitule التقليد في ضوء الكتاب والسنة, c'est-à-dire le suivi aveugle des madahib et le fanatisme envers les madahib à la lumière du Coran et de la Sunna et des narrations des salafs. On a parlé dans le cours passé à propos de yani, certains points yani, qu'on avait lus, c'était dans le chapitre numéro 11, Al-Fasl al-Hadi Ashar, Hal yustaghna an kitab Allahi wa sunnati Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bil madahib al-mudawwana lil ilmi wal fatwa. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer du Coran et de la Sunna dans la fatwa et dans l'enseignement en se basant uniquement sur les livres de fiqh que les ulama ont écrits dans les différents madahib, hein? Ou bien non, il faut pas, hein? On ne peut pas se passer du Coran et de la Sunna, il faut se référer tout le temps au Coran et à la Sunna. Et le cheikh, il a expliqué au dernier cours, on avait lu pourquoi il a écrit ce chapitre-là, c'était pour expliquer par rapport à qu'est-ce qu'il a lu dans un livre, hein, en ourdou au sujet du madhhab al-hanafi, que certains savants au Pakistan disaient que c'est pas bon que les gens reviennent au Coran et à la Sunna parce que ça veut dire qu'ils vont s'écarter du madhhab et ils vont négliger le madhhab et ainsi de suite. Donc le cheikh, il a fait des commentaires sur ça en disant comment des gens peuvent se plaindre du fait que les gens reviennent au Coran et à la Sunna et qu'ils cherchent les preuves, à comprendre les preuves et à suivre les preuves, yani, alors que c'est ça la base, hein, en réalité. Donc on a lu certains points à propos de ça, puis on avait expliqué yani, certaines clarifications au sujet de ceux qui disaient que personne ne peut se référer directement au texte du Coran et de la Sunna, sauf si c'est un mujtahid mutlaq. Et on a expliqué que yani, ça, ce n'était pas une condition pour tirer des bienfaits du Coran et de la Sunna, d'être un mujtahid mutlaq. Non. Hein? Sinon, ça veut dire qu'il y aurait quelques individus seulement parmi la Ummah qui pourraient prendre du Coran. Et il a mentionné des versets qui indiquent, hein, parce qu'on lisait, en fait, ça, c'était une parole du cheikh le cheikh Mohamed Aman, pas Mohamed Aman, Mohamed Amin al-Shanqiti, dans son tafsir Adwa al-Bayan, c'est lui qui clarifie justement ce point-là que le cheikh il cite maintenant, et on était en train de lire sa citation, en fait, et on n'avait pas terminé, on était rendu à ce point-là où on expliquait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il s'adresse, hein, aux êtres humains, et c'était dans le contexte du verset yani, dans surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, hein, n'ont-ils pas médité sur le Coran, ou bien il y a des cadenas sur leur cœur, hein? Est-ce qu'il y a des cadenas sur leur cœur? Donc le cheikh expliquait que ce verset-là, à la base même, il s'adressait aux kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait comprendre aux mushrikines qu'ils devaient méditer, hein, sur les paroles et sur le Coran et sur les preuves au sujet du tawhid et au sujet du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah et les preuves qu'il a ramenées et ainsi de suite. Donc, s'il s'adresse aux mushrikines et aux kuffars et qu'il les appelle à méditer et à réfléchir sur le Coran, ça, c'est la preuve que ce n'est pas nécessaire d'être mujtahid mutlaq pour pouvoir profiter de la guidance du Coran et la guidance de la sunna et ainsi de suite. Et donc, du moment que quelqu'un a de la connaissance et de la compréhension, il peut profiter. Et on expliquait également, on a expliqué plusieurs points à ce sujet-là, hein, lorsque... Par exemple, on mentionnait des versets dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wattaqullah wa yu'allimukumullah » Et aussi, ya ayyuhallazina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hein? Et donc, ici, c'est pour montrer aux gens que c'est par le fait de craindre Allah et de mettre en pratique ce que Allah ordonne que Allah nous augmente en science. Donc, si tu dis que tu ne dois pas te référer au Coran et à la Sunna, hein, pour apprendre ta religion, mais que tu dois te référer ou suivre aveuglément les paroles des savants sans savoir, même sans connaître leurs preuves et sans essayer de comprendre leurs preuves, hein, comment tu penses que tu vas obtenir à taqwa? Et c'est ça que le cheikh il expliquait ici. Il dit « وَهَذِي التَّقْوَى الَّتِي دَلَّتِ الْآيَاتِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ يُعَلِّمُ صَاحِبَهَا بِسَبَبِهَا مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله وعليه فهي عمل ببعض علم ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. Donc il dit ici, le cheikh il explique que la taqwa, hein, comme c'est indiqué par les versets qu'on a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala, par la taqwa, par la piété que tu as, il va t'enseigner des choses. Et les choses que tu as appris, lorsque tu les mets en pratique, hein, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'augmenter en science et il va t'apprendre ce que tu ne savais pas. Donc ça veut dire que tu vas appliquer une partie de ce que tu sais et par conséquent Allah va t'augmenter en science. Donc il dit فَالْقَوْلُ بِمَنْعِ الْعَمَلْ بِمَا عَلِمَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَتَّى يَحْصُلْ رُتْبَةَ الْإِجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ فهو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين به والدعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ترى. Donc il dit, le cheikh il dit donc de dire qu'il faut empêcher les gens d'appliquer ce qu'ils savent, hein, du Coran et de la Sunna, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le degré de l'ijtihad absolu, l'ijtihad al-mutlaq. Eh bien ça c'est comme si tu faisais les efforts pour priver les musulmans de tout ce qui pourrait les faire profiter de la lumière du Coran, hein, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ou jusqu'à ce qu'ils arrivent à acquérir une condition qui est absente, hein, qui est absente chez même ceux qui prétendent ou qui appellent à croire à ces, hein, conditions-là. Donc, de prétendre ce genre de choses-là à propos d'Allah et de son livre et de la sunna de son messager, c'est absurde. Et le cheikh, il fait un point, une note ici, cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, il dit « Thumma qal, tanbihum muhim, yajibu ala kulli muslim, yakhaf, العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة وبناء على هذا على وبناء هذا وبناء هذا على مقدمتين إحداهما أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين والثانية أن المجتهدين معدومون عدما كليا لا وجود لأحد منهم في الدنيا. يعني سبحان الله. Donc le cheikh il met une note ici et il dit que il est obligatoire à chaque musulman qui craint de se présenter devant son Seigneur au jour de la résurrection, il doit réfléchir, hein, il doit méditer pour voir comment il va se sortir lui-même de ce grand problème et de ce grand malheur qui est devenu généralisé maintenant dans tous les pays musulmans. Et c'est-à-dire que certains qui prétendent qu'on peut se passer du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de se limiter dans toutes les règles qui ont rapport avec les adorations et les interactions et les peines uniquement sur les madhahib qui ont été mis par écrit et rassemblés. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là que ça, c'est basé sur deux introductions. Cette idée est basée sur deux points. Le premier, c'est que on n'a pas le droit d'appliquer le Coran et la Sunna, sauf si on est un mujtahid, ou sauf si on fait partie des mujtahidines, d'agir selon le Coran et la Sunna et de le mettre en pratique directement. Ça, c'est juste pour les mujtahidines. Donc, tu n'as pas le droit de le faire, sauf si tu es un mujtahid. Et le deuxième point, c'est que les mujtahidines, ils n'existent plus. De façon, de façon générale, les mujtahidines, ils n'existent plus. Il n'y en a pas un seul aujourd'hui dans la dunya, selon eux. Yani, le mujtahid al-mutlaq. Donc, ils disent que, وأنه بناء على هذين على هاتين المقدمتين يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منعا باتا على جميع أهل الأرض ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. Donc, le cheikh, il dit, en se basant sur ces deux introductions-là ou ces deux points-là, ils veulent empêcher les gens d'appliquer le Coran et la Sunna de façon absolue pour tous les habitants, pour tous les hommes sur terre. Pour tous les gens qui sont sur terre, ils ne doivent pas appliquer le Coran et la Sunna directement, mais ils doivent se limiter à prendre directement des madhahib qui ont été rassemblés et mis par écrit. Et il dit que certains ont même rajouté à ça un autre point, c'est-à-dire qu'il est interdit de faire le taqlid d'un madhhab autre que les quatre madhahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahimahumullah. En dehors de ces madhahib-là, ce n'est pas permis. Alors qu'on sait très bien que dans la réalité, il y a beaucoup plus de madhahib que ces quatre. Il y a le madhhab de l'imam al-Thawri, il y a le madhhab de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il y a le madhhab de l'imam Ishaq ibn Rahouya, le madhhab de l'imam al-Awza'i, le madhhab de l'imam al-Layth ibn Sa'd, et beaucoup d'autres parmi les salafs qui eux aussi étaient des mujtahidin mutlaq. Mais leur madhhab n'a pas été préservé de la même manière que les quatre madhahib qu'on connaît. Sauf que leur position, parfois, elle se retrouve dans les livres de fiqh et les ulama les ont mentionnés. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal de les suivre si on a le droit de suivre les quatre madhahib, on a le droit de suivre les madhahib des autres ulama également, tant que leur position est basée sur le Coran et la Sunna et qu'ils ont ils ont des preuves pour supporter leur position. Le cheikh, il dit ensuite, « Fata ammal ya akhi » donc il dit فتأمل يا أخي رحمك الله كيف يصوغ لمسلم أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما واستغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين ولا خلاف في أنهم يخطئون فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما وأنهما يغني غير يغني يعني غيرهما عنهما فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضا زعم باطل لأن تعلم القرآن والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشر ومع ذلك كونها يعني والآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة والله جل وعلا يقول في سورة القمر مرات عديدة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يقول تعالى في الدخان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ويقول في مريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به والله تعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ويقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه يحاول التباعد عن هدى الله ورحمته. Donc ici le cheikh il explique, cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti que le cheikh a cité ici, il dit donc réfléchis et médite sur ça ô mon frère, que Allah te fasse miséricorde. Comment pourrait-il être possible pour un musulman d'empêcher de prendre la guidance du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas considérer que c'est obligatoire d'apprendre de ces deux sources-là et de les mettre en pratique et de se limiter uniquement à des paroles d'êtres humains qui ne sont pas infaillibles, hein, pour prendre deux seulement, et il n'y a pas de divergence entre les gens. Il n'y a personne qui diverge sur le fait que ces imams et ces hommes sont capables de faire des erreurs et qu'ils font des erreurs. Donc, puisqu'ils font des erreurs, pourquoi tu vas te baser sur leurs paroles et laisser ce qui est infaillible, c'est-à-dire le Coran et la Sunna? Après, le cheikh, il dit, وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ أَنَّ الْكِتَابِ. Donc, si leur intention ou si leur ce qu'ils veulent dire par cette parole, c'est qu'on n'a pas, besoin d'apprendre le Coran et la Sunna, hein, parce que c'est suffisant d'apprendre le madhab, hein, et que quelque chose d'autre que le Coran et la Sunna peut nous suffire en dehors du Coran et de la Sunna. Il dit ça, c'est une grande calomnie, hein, une parole totalement mensongère et fausse. Et il dit, tandis que si ce qu'ils veulent dire et leur but dans cette parole, c'est de dire qu'il est difficile de l'apprendre, que c'est difficile d'apprendre le Coran et la Sunna. Il dit ça aussi, c'est bâtil. Ça aussi, c'est faux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité pour nous d'apprendre le Coran et la Sunna. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre le Coran et la Sunna que d'apprendre les opinions et les divergences des ulama. Hein? Et il dit surtout que ces opinions qui sont propagées et ces divergences qui sont propagées de la part des ulama sont très nombreuses et en plus elles sont parfois très compliquées. Donc le Coran est beaucoup plus facile et Allah il le dit dans plusieurs versets dans Surat Al-Qamar. Nous avons certes rendu facile, hein, le Coran pour le rappel. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour se rappeler? Fahal min muddakir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se rappeler? Et dans Surat Al-Dukhan, et nous l'avons facilité, hein, pour ta langue, pour qu'il puisse se rappeler. Et le verset, ça c'est le verset... dans Surat Ad-Dukhan, le verset 58, dans Surat Ad-Dukhan. Et dans Surat Maryam, c'est le verset 97, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous l'avons rendu facile pour ta langue, pour que tu annonces aux pieux la bonne nouvelle et pour que tu puisses, hein, avertir Qawman Ludda, que tu avertisses un peuple irréductible. Comme ça qu'ils l'ont traduit dans la traduction. Luddan, ils l'ont traduit irréductible. Ensuite, le cheikh, il dit, فَهُوَ كِتَابٌ. Donc, ça, c'est un livre qui a été facilité par Allah, hein, pour celui à qui Allah a donné le succès, hein, de pouvoir le mettre en pratique. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, justement, le verset 49 dans Surat Al-Ankabut, mais ce sont des versets qui ont été clarifiés qui sont dans les poitrines des hommes qui détiennent la science, et nul ne rejette ou ne renie nos versets excepté les injustes. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 52 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Hein? Et puis il dit ensuite, il n'y a pas donc de doute que celui qui essaye d'éloigner les gens ou qui s'éloignent de la guidance et qui essaient d'éloigner les gens de la guidance et de la miséricorde, hein? C'est-à-dire, s'ils s'éloignent de cette guidance, ça veut dire qu'ils s'éloignent de la miséricorde et de la guidance d'Allah. Et il dit, وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمُ هُوَ النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَى أَرْضِهِ لِيَسْتَضِيءَ بِهِ فَيَعْلَمُ فِي ضَوْئِهِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالْحَسَنِ مِنَ الْقَبِيحِ وَالنَّافِعِ مِنَ الضَّارِّ وَالرُّشْدِ مِنَ الْغَيِّ. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضيء به ويهتدى بهداه في أرضه فكيف ترضى لتبصير لبصيرتك أن تعمى عن النور فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc ici le cheikh il explique, il dit il n'y a pas de doute que le Coran al-Azim c'est une lumière que Allah a fait descendre sur la terre pour qu'on puisse s'éclairer avec et pour qu'on puisse par sa lumière connaître la différence entre le vrai et le faux, le bon et le laid, ou le beau et le laid, le bénéfique et le nuisible, la guidance et la déviation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, c'est le verset 174 dans sourate An-Nisa, il dit « Oh, toi le messager, hein? Oh vous les hommes, pardon, oh vous les hommes, il vous est venu de votre Seigneur une preuve évidente. » Et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclairante, une lumière évidente, une lumière claire. Et il dit, le verset 15 et 16 dans Sourate Al-Ma'ida, « Certes, vous est venue une lumière de la part d'Allah et un livre clair. » Allah, par celui-ci, guide celui qui le suit vers son agrément, hein, ou bien vers... Allah guide par celui-ci, celui qui suit son agrément vers les chemins de la paix et les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et les guide vers un droit chemin. Et le verset dans Surat Ash-Shura 52, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « C'est ainsi que nous avons révélé sur toi une âme de notre ordre et de notre commandement. » Ça veut dire une âme, hein, comme si le Coran c'est une âme qui donne la vie, hein? Ruhan min amrina. Et il dit, tu ne connaissais ni le livre, ni la foi, mais nous en avons fait une lumière. Hein? Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Hein? Et il dit dans le verset, c'est le verset 8, dans Surat At-Taghabun, il dit, alors croyez en Allah et en son messager et en la lumière que nous avons fait descendre. Hein? Et le verset 6 dans Surat Al-A'raf, le verset 157 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, et ceux qui ont cru en lui et qui l'ont supporté et qui l'ont défendu, hein, et qui ont suivi la lumière avec laquelle il est venu, alors ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et le cheikh, il dit donc, ne sais-tu pas, oh, toi le musulman, que ce Coran, ce grand Coran, c'est la lumière par laquelle Allah éclaire les hommes dans ce qu'il a révélé, et il guide par cela également ceux qui sont sur terre. Et donc, comment pourrais-tu être satisfait de t'aveugler de cette lumière? فَلَا تَكُنْ خَفَاشِيَ الْبَصِيرَ وَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ قِيلَ فِيهِمْ خَفَافِيشُ أَعْمَاهَا النَّارُ بِضَوْئِهِ وَوَافَقَهَا قِطَعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمُ مِثْلُ النَّهَارِ يَزِيدُ أَبْصَارُ الْوَرَى نورا يعمي أعين الخفاء الخفاشة أو أعين الخفاش أعين الخفاشي نعم. Donc il explique que tu ne dois pas être comme c'est comme un genre de pas les comment on appelle des c'est comme un genre d'insecte qui vole. Et elle est toujours attirée par la lumière. Hein? Et la lumière l'aveugle. Hein? Et donc il dit, ne sois pas comme ces êtres-là ou comme ces bêtes-là qui sont aveuglées par la lumière. C'est comme des petits papillons, là. Comme des genres de petits papillons. Donc c'est ça. Il dit يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ. Il donne l'exemple aussi à propos des hypocrites. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit l'éclair, elle faillit leur arracher la vue. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Attends le frère, mets-toi juste un peu à côté comme ça. Ouais, ok, c'est bon. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ. يعني كيف حالك مراد انت بخير ما شاء الله دونك وعليكم السلام ورحمه الله دونك البرق يعني l'éclair elle a failli leur arracher la vue hein, leur enlever la vue à cause de sa clarté hein. Et il dit afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Est-ce que celui qui sait hein, que ce qui est révélé sur toi de la part de ton Seigneur, c'est la vérité, est comparable à celui qui est aveugle hein, seulement ceux qui détiennent la raison peuvent se rappeler. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait voir que ceux qui se détournent de la révélation et qui s'éloignent de la guidance d'Allah, c'est comme des aveugles, même s'ils ont la vue. Hein, même s'ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir avec. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. C'est les cœurs qui s'aveuglent, hein, ce n'est pas les yeux. Il y a des gens qui ont pas de vue, mais ils voient clair la foi. Parce qu'ils ont la foi, ils voient, ils comprennent clairement les choses. Mais il y a des gens qui ont deux yeux, mais ils vont rien voir de la guidance. Ils sont comme des aveugles, et même pire que des aveugles. Et le cheikh il dit ensuite, وَبِهَذَا تَعْلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ الْمُنْصِفُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ الْجَدُّ وَالِاجْتِهَادُ فِي تَعَلُّمِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَسَائِلِ النَّافِعَةِ الْمُنْتِجَةِ وَالْعَمَلِ بِكُلِّ مَا عَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْهُمَا علما صحيحا. وقال أيضا رحمه الله اعلم أيها المسلم المنصف أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة ما قاله الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين في سورة الكهف وآل عمران واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المتسمين باسم طلبة العلم لكونهم لا يميزون بين حق وباطل. فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، بعد أن ذكر الأقوال في الانفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان ما نصه، عامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله، فإن شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل وأن يقصد بها حل اليمين، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الكفر. انتهى كلامه منه بلفظه. فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام، وما أبطله، وما أجرأه، وما أجرأ قائله على الله وكتابه وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأصحابه. سبحانك، هذا بهتان عظيم. Donc ici le cheikh là, il mentionne, il dit, donc ô toi le musulman qui est juste, il est obligatoire pour toi d'être sérieux et de faire des efforts pour apprendre le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam par les moyens qui sont bénéfiques et qui vont produire des bons résultats et qui vont produire les actes, hein, les actes, parce que tu vas agir selon ce que Allah t'a appris, hein, d'une connaissance qui est authentique. Il dit ensuite, Rahimahullah, c'est-à-dire le Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, il dit, Rahimahullah, sache, ô toi le musulman qui est juste, que parmi les choses les plus laides, parmi les faussetés les plus laides, et les choses qui font partie des plus grandes formes de mensonges contre Allah, et contre son livre, et contre son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et contre la sunna purifiée de son messager, hein, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le Cheikh Ahmed al-Sawi a écrit dans son commentaire sur le Tafsir al-Jalalayn. Tafsir al-Jalalayn, c'est un tafsir, un résumé de tafsir, ou un petit tafsir qui a été écrit, et on l'appelle al-Jalalayn parce qu'il y a deux Jalal qui l'ont écrit, deux Cheikhs qui s'appellent Jalal. Je pense qu'il y en a un des deux, c'est Jalaluddin al-Suyuti, et le deuxième, un autre Jalaluddin, je ne me rappelle plus c'est lequel. Yani, ala kulli hal, les deux Jalal, c'est ça que ça veut dire, Al-Jalalayn, ça veut dire, yani, kitab, tafsir al-Jalalayn, yani, le tafsir des deux Jalal. Et il y a un cheikh qui s'appelle Ahmed al-Sawi, bon, je ne le connais pas, mais j'ai déjà entendu parler de cet exemple-là, et même que je l'ai trouvé dans une des versions de tafsir al-Jalalayn. Le texte, ce que le cheikh il cite ici, je l'ai vu écrit dans le livre avec mes deux yeux. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce commentaire-là à propos de Surat Al-Kahf et aussi dans Surat Al-Imran? Il dit beaucoup de gens qui se disent « Tullab ilm » ont été trompés par ce qu'il a mentionné dans ce tafsir-là, parce qu'ils n'ont pas de discernement pour être capable de trancher entre ce qui est vrai et faux. Alors, il dit « Voici ce que Ahmed al-Sawi a mentionné à propos de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Kahf, et il a cité le verset wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah, c'est-à-dire ne dis pas à propos d'une chose. C'est-à-dire, ne dis pas à propos d'une chose que tu veux faire demain, je vais le faire, excepté que tu dis, Inch'Allah. hein, excepté que tu dis Inch'Allah. Et il a mentionné des paroles par rapport à ça en disant que dans les madhahib, il y a des paroles au sujet des exceptions ou de al-istithna, le fait de dire Inch'Allah, et que il dit à propos des quatre madhahib, il mentionne les positions des madhahib sur cette question et sur ce sujet, et à propos des serments et le fait de dire Inch'Allah, et qu'est-ce que les madhahib ont dit à ce sujet-là. Puis ensuite, il dit il n'est pas permis de suivre aveuglément ou de faire le taqlid de autre que des quatre madhahib de Ahl Sunnah. Alors qu'on sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a d'autres madhahib en dehors des quatre madhahib de Ahl Sunnah. Parce que les autres madhahib de Ahl Sunnah sont très nombreux. Il n'y a pas seulement quatre. Même si les quatre qui sont les plus célèbres et les plus connus aujourd'hui, c'est les quatre madhahib de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad. Mais il y en a beaucoup d'autres également. Et on a mentionné tout à l'heure des exemples. Hein, le madhhab de l'imam Soufiane al-Thawri, le madhhab de l'imam Soufiane ibn Uyayna, le madhhab de l'imam al-Awza'i, le madhhab de l'imam Ishaq ibn Rahouya, le madhhab de l'imam al-Layth ibn Sa'd, hein, et plein d'autres également parmi les imams de Ahl al-Sunnah qui sont des mujtahidin mutlaq, le madhhab de l'imam ibn Jarir al-Tabari. Tous ces gens-là sont des mujtahidin. Et c'est des imams. Hein? Donc, de prétendre ou de dire que yani, il y a juste quatre et que tu ne peux pas sortir de ces quatre, ça c'est faux. Et le pire, c'est qu'est-ce qu'il dit après. Yani, parce que yani, le Cheikh Mohamed Amin al-Shankiti, il a cité toute la citation, qu'est-ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit au complet. Il a dit, il n'est pas permis de suivre un madhhab en dehors des quatre, même s'il est en accord avec la parole des sahaba, même s'il est en accord avec le hadith authentique et le verset. Et il dit, parce que celui qui sort des quatre madhhab, c'est un égaré, égareur. Et il dit, وَرُبَّمَا أَدَاهُ ذَلِكَ لِلْكُفْرِ. Il dit même que cela, ça peut même l'amener au kufr. Hein? Il dit, et la raison de pourquoi ça peut l'amener au kufr, c'est ça, c'est des fois, c'est comme les ulama, ils disent, yani, al-udhru aqbah min al-dhamb. Ahyanan, al-udhru aqbah min al-dhamb. L'excuse est plus grave que le péché lui-même. Il dit, pourquoi ça peut amener au kufr? Parce qu'il dit, le fait de prendre ce qui est apparent du Coran et de la Sunna font partie des fondements de la mécréance. Déjà de dire ça, c'est tellement aberrant, tellement grave. Pourquoi? Parce que tu dis, si de prendre le sens apparent du Coran et de la Sunna, c'est parmi les fondements du kufr, c'est quoi alors qui fait partie des fondements de l'Iman? Hein? De prendre quoi? On va prendre quoi? Si ça c'est les fondements du kufr, de prendre le sens apparent du Coran et de la Sunna, c'est les fondements du kufr. Alors, ça, on va dire quoi à propos de prendre les fondements de la foi, c'est de où? Alors, on va le prendre, si on ne le prend pas dans le Coran et dans la Sunna. Et l'autre jour, j'écoutais, il y a des frères qui parlaient de quelque chose là. Puis, ils mentionnaient la parole de l'autre, qu'est-ce qu'il dit, le jeune Marocain en France là, qui était l'imam de Brest, hein, Rachid de Brest, et qui mentionnait dans une vidéo que finalement, il dit, avant, j'étais de telle position, de telle tendance, et puis maintenant, j'ai décidé de prendre, de m'attacher à l'école de jurisprudence ou à l'école juridique de l'imam Malik, hein, et des choses de ce genre. Il dit, la raison pourquoi il disait ça, c'est parce que il dit que quand on s'attache à une école juridique, hein, un madhhab, il dit, il y a plus de chances qu'on va, c'est-à-dire, parce que lui, il disait que les salafis, ou les gens qui suivent la sunna, la salafia, ils prennent le sens apparent de la religion. Tandis que le madhhab al-maliki, ça protège de prendre le sens apparent. Hein, ils vont pas prendre le sens apparent, ils vont pas être littéralistes. J'ai dit à moi-même, j'ai dit, mais d'où est-ce qu'il a sorti cette mentalité ou cette idée de penser que l'imam Malik, il prend pas le sens apparent des textes? Aouzoubillah! L'imam Malik, quand il prend les sens du Coran, de la Sunna, il prend selon le sens apparent des textes. Hein? Donc cette idée-là de ces gens qui disent il faut pas prendre le sens apparent des textes, c'est quoi cette parole-là? C'est-à-dire, si Allah il dit aqimus salah, tu vas dire, ah, oh, mais il faut pas croire que le sens apparent, c'est ça que Allah il veut. Allah il veut pas qu'on fasse un iqamatus salah. Il veut quoi? Il veut qu'on tourne en rond comme les soufis, qu'on fasse les toupies dans les mosquées. Hein? C'est-à-dire, quand il dit aqimus salah, c'est-à-dire il faut tourner sur soi-même dans la mosquée. Ou bien ça veut dire aqimus salah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Yani, le sens apparent, c'est ça qui est voulu. Quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu. Est-ce que ça, on le prend dans son sens apparent ou bien il y a un autre sens caché, mystique qu'on ne connaît pas là, derrière ça? Faut pas, quand on veut se lever pour la salat, on va pas faire le wudu, comme Allah il nous dit dans le verset, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna, c'est pas le sens apparent de ça qu'on va prendre. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, hein, le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Toi, tu vas pas prendre le sens apparent de ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire comme les Jahmiya ou les Mu'tazila? Et les Asha'ira, tu vas le déformer, tu vas prendre un sens autre, en te basant sur tes passions et tes désirs, en se basant sur qu'est-ce que Aristote et Platon ont dit, sur la philosophie des Grecs, ou je ne sais pas qui d'autre. Donc, c'est quoi cette idée-là de penser que le madhhab, ça t'empêche de prendre le sens apparent? Ça, c'est pas vrai. Déjà, si tu regardes dans les livres de Usul, Al-Fiqh, les ulama, ils n'ont jamais dit tu ne dois pas prendre le sens apparent des textes. Sauf qu'il faut comprendre qu'est-ce que le sens apparent, qu'est-ce que ça signifie le sens apparent. Parce que beaucoup de gens qui disent le sens apparent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Le sens apparent d'un verset ou le sens apparent de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, dans la Sunna, ce n'est pas de prendre un verset hors de son contexte puis de l'appliquer tout seul sans tenir compte des autres versets et des hadiths qui parlent du même sujet. Si tu penses que c'est ça la signification de prendre le Coran dans son sens apparent, c'est parce que tu n'as rien compris de qu'est-ce que ça signifie de prendre le Coran dans son sens apparent. Prendre le Coran dans son sens apparent, ça veut dire que tu vas prendre tout ce qui est mentionné à propos d'un sujet dans tous les versets du Coran, dans tous les hadiths qui sont au sujet de cette question-là, et de les appliquer ensemble selon les règles et les principes des ulama qui ont été établis par le Coran et la Sunna et la compréhension des Sahaba. Maintenant, si tu dis tu vas te baser sur, par exemple, le sens apparent. C'est-à-dire, tu vas prendre un verset dans le Coran, puis tu vas l'appliquer sans tenir compte des autres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vas boire de l'alcool, puis tu vas dire, ouais, je me suis basé sur un verset qui dit, Ya ayyuhalladhina amanu, yani, la taqrabu as-salata wa antum sukara. Hein? Ne vous approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre. Jusqu'à ce que vous saviez ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vas boire de l'alcool, puis tu vas dire, ben, je ne vais pas prier parce que yani, Allah dit, ne vous approchez pas de la salat quand vous êtes ivre. Alors tu dis, ça c'est le sens apparent du verset. Non, ce n'est pas le sens apparent du verset. Parce qu'il faut voir les autres versets aussi qui sont venus par la suite et qui ont abrogé ce verset-là. Hein? Donc tout ça, c'est des paroles de la part de certains qui jettent des choubouhats pour essayer de justifier leur passion et leurs désirs et leurs égarements. Et quand tu regardes franchement qu'est-ce que ces gens-là racontent, ça n'a rien à voir. Beaucoup de choses que ces gens-là prétendent, du fait qu'ils disent Ah, les salafis, c'est des gens littéralistes. Ils prennent le sens apparent du Coran et de la Sunna. Hein? Mais tous les imams d'Ahl Sunna étaient dans ce sens-là, prenaient du sens apparent du Coran et de la Sunna. Que ce soit l'imam Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou Ahmad, et tous les autres imams d'Ahl Sunna. Et les Sahaba aussi. Hein? Et yani, ils ont tous pris qu'est-ce que Allah leur a révélé et ils l'appliquent tel que Allah l'a révélé. Hein? Et s'il y a quelque chose qui est, disons, détaillé ou clarifié dans un verset et dans l'autre, il est général ou il n'est pas détaillé, eh bien, il se réfère au verset qui détaille. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y a des versets qui sont muhkamat et d'autres versets qui sont mutashabihat. Hein? Il y a des versets qui sont, hein, qui sont sans équivoque, c'est-à-dire ils sont clairs et explicites, ils ne peuvent être compris que d'une seule façon. Et il y a d'autres versets, tu ne peux pas les comprendre tout seul. Tu as besoin d'autres versets pour les comprendre, ou tu as besoin des hadiths pour les comprendre. Ça, c'est les mutashabihat, les versets qui sont équivoques. Donc, ça aussi, c'est des choses qui ont été expliquées et clarifiées par les ulama. Mais de dire il ne faut pas prendre le sens apparent et que de suivre les madhahib, ça nous sauve de ça. Ça, c'est du batil. C'est du batil. Et quand tu regardes les paroles de l'imam Malik, il faisait partie des imams des salafs. Il est considéré par les ulama un des imams de la da'wa salafia et de la salafia. C'est un des imams des salafs. L'imam Shafi'i, c'est un des imams des salafs. L'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est un des imams des salafs. L'imam Abu Hanifa, la même chose. On dit de l'imam Ahmad que c'était imam ou Ahl Sunna. Imam ou Ahl Sunna. À cause de sa position et de sa défense, hein, de la aqida des salafs durant la fitna des Mu'tazila, hein, la fitna de Khalq al-Qur'an. Donc tout ça, c'est des points qui rendent encore plus clair le sujet et la question. Mais les koufars, ils essaient de faire croire que les salafis, c'est une exception parmi les imams. Et que c'est quelque chose qui est différent. Hein? Que c'est une ils essaient de faire croire que c'est une innovation, la salafia. Hein? Une innovation par rapport à quoi? Par rapport à leur compréhension qui est déjà déformée et tordue à la base. Parce que qu'est-ce que ces gens-là ont inventé comme bid'a? Ils essaient de faire croire que c'est la base. Alors, ils essaient de faire croire que la salafia, c'est quelque chose qui est différent de cette base-là. Donc, par conséquent, ils essaient de faire croire que c'est pas, hein, que c'est pas quelque chose d'authentique ou que c'est pas la vérité. Alors que on le sait très bien, la position des gens qui se disent Ahl Sunna wal Jama'a aujourd'hui, qui sont dans les universités de beaucoup de pays aujourd'hui, dans les pays musulmans, qui suivent la croyance des Ash'ara, la secte Al-Ash'ariya, en réalité, ils se disent Ahl Sunna wal Jama'a, mais ils contredisent beaucoup de fondements d'Ahl Sunna wal Jama'a, en commençant par la question des noms et des attributs d'Allah. Et qu'ils déforment le sens des noms et des attributs d'Allah. Et que ça, c'est la voie des gens de Bid'a, ce n'est pas la voie des gens d'Ahl Sunna. Hein? Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Et Cheikh Mohamed Aman, il a une belle réfutation à ce sujet-là, de ceux qui essaient de prétendre que la salafia, c'est une Bid'a, comme l'autre, là, Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti, hein, qui a prétendu ce genre de choses. Et alhamdoulillah, il l'a réfuté d'une façon très très très claire à ce sujet. Et j'ai traduit même la réponse de Cheikh Mohamed Aman. Je pense qu'elle est sur mon site. Je l'ai traduit en français. Inch'Allah, je vous la partagerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc ensuite, le cheikh, il dit, donc vous voyez la parole qu'il dit que de prendre l'encens apparent du Coran et de la Sunna, c'est parmi les fondements du kufr. Pourquoi? Parce que eux, c'est des gens qui font partie des gens de bid'a, des asha'ira, et des gens ils renient les attributs d'Allah. Donc, Allah, dans le Coran, il dit qu'il a une main. Hein? Il a dit, par exemple, à Iblis, « Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. » qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Hein, en parlant de Adam, alayhi salam, parce qu'il a créé de ses deux mains. C'est la preuve qu'il a des mains. Et les Juifs, quand ils ont dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les Juifs ont dit, les mains d'Allah sont fermées, en voulant dire qu'il est avare. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit que leurs mains soient fermées, c'est-à-dire que eux soient avares et qu'ils soient maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. Au contraire, ses mains sont grandes ouvertes et il dépense de ses grâces comme il veut. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois, qui affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Et il mentionne dans d'autres versets qu'il a un visage. Hein? وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et également, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et d'autres versets aussi qui mentionnent يعني كل شيء هالك إلا وجهه. Hein? Et beaucoup d'autres choses qui affirment que Allah, hein, il a son visage et que son visage est noble et يعني majestueux. Naam. En fait, c'est pas qu'ils interprètent. L'erreur des Asha'ira, c'est qu'ils déforment le sens des noms et des attributs. Tandis qu'il faut le prendre tel qu'il a été établi, tel qu'il a été révélé, et pas le déformer de son sens apparent. Oui, la main, ils disent que c'est la grâce ou la force. Et, par exemple, le visage, ils disent c'est son être. Ou bien, ils l'interprètent par quelque chose d'autre. Ou bien, par exemple, les mains, on a dit, et par exemple, il dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est élevé sur son trône. Eux, ils disent non, il n'est pas élevé sur son trône. Il n'est pas élevé sur son trône. Ils disent, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Il a pris le pouvoir du trône. Ils ne veulent pas l'affirmer. Et ils disent, si tu prends le sens apparent, parce que le sens apparent pour eux, c'est de faire le tashbih, de faire la ressemblance entre le créateur et la créature. Alors nous, on dit non, c'est pas vrai que d'affirmer les attributs, ça implique un tashbih, ou une ressemblance entre le créateur et la créature. Parce que nous, on affirme les attributs d'Allah sans faire de tashbih. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains qui lui conviennent et qui ne sont pas semblables à celles de ses créatures. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Laysa ka mithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. » Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. D'accord? Donc, pour eux, le sens apparent, c'est le tashbih. Donc, ils disent de prendre le sens apparent du Coran et de la Sunna, c'est parmi les fondements du kufr. Pourquoi? Parce que pour eux, le sens apparent du Coran, c'est le tashbih. Donc, pour eux, si tu prends le sens apparent de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça veut dire que c'est les fondements de la mécréance. Tout ça, c'est à cause de leur mauvaise compréhension. C'est pas logique. C'est clair que c'est pas logique. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous aurait pas enseigné le Coran sans clarifier que le sens apparent, c'est du kufr. Comment il aurait enseigné le Coran aux musulmans, aux sahaba, hein, et leur expliquer l'islam, puis à aucun moment il leur dit faites attention de prendre le sens apparent du Coran et des attributs, parce que sinon vous allez devenir des kuffars et vous allez tomber dans le kufr. Hein? Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent qu'il a comme si ils disent que al-istiwa, ça veut dire istaula. Ils déforment le sens du terme. Ils changent le terme en voulant dire que istawa, ils disent ça veut dire istaula. Istaula, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le contrôle, prendre le pouvoir du trône. Ils disent on peut pas dire qu'il est au-dessus de son trône, parce que si tu dis qu'il est au-dessus, ça implique qu'il est comme sa créature, il ressemble à sa créature. Donc, au lieu de dire ça, ils disent, on va dire qu'il a conquis le trône. Et les ulama, ils ont dit, si vous dites que ça veut dire qu'il a conquis le trône, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait son trône avant lui, et que Allah est venu, puis il l'a conquis. Et ça, c'est du kufr, ça, c'est plus grave comme parole, et plus égaré que ça. Tandis que nous, quand on dit qu'il s'est élevé sur le trône, on dit qu'il s'est élevé d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa perfection. et à sa majesté, il n'y a pas de ressemblance entre lui et sa créature. Et on ne peut pas non plus imaginer comment. Et on ne doit pas non plus chercher à comprendre et à savoir le comment. Le comment, c'est seulement lui qui sait. Nous, on ne fait qu'affirmer les attributs tels qu'il les a affirmés, sans demander le comment. D'accord? Et donc, tout ça pour dire que ces gens-là, à cause de leurs fondements qui sont totalement déviés, ils disent ça. Si le sens apparent du Coran et de la Sunna, c'était du kufr, le premier à l'avoir expliqué, à l'avoir averti, les musulmans, à ce sujet-là, ce serait le messager d'Allah. Il aurait dit aux musulmans, faites attention, le Coran, ça, hein, son sens apparent est kufr. Si c'était... Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous avertit contre le kufr. Et le Coran est venu pour nous guider et nous protéger du kufr. Donc, comment tu peux dire que le sens apparent du Coran et de la Sunna, c'est les fondements du kufr? C'est grave. Tu devais dire, le Coran et la Sunna, c'est le dawahir al-Quran wa Sunna min usul al-Iman, min usul al-Tawhid, min usul al-Taqwa. Oui, les fondements de la foi, mais pas les fondements du kufr. Comment le sens apparent du Coran et la Sunna font partie des fondements du kufr? Mais ça, c'est les idées des gens de bid'a. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est pour ça qu'en réalité, même s'ils prétendent qu'ils sont musulmans, qu'ils veulent défendre l'islam et la religion, mais sans s'en apercevoir, ils sont en train d'attaquer la religion. Parce qu'une parole comme ça, si tu la lis de la part d'un kafir, d'un juif, un chrétien ou quelqu'un qui est athée, tu vas pas être étonné. Mais de dire que quelqu'un qui est musulman, qui parle au nom de l'islam et qui veut défendre l'islam et qui dit ce genre de propos-là, comment tu peux mettre ça dans une balance pour que ça fasse du sens? Ça fait aucun sens. Et le cheikh, il dit, cheikh Mohamed Amin, il dit, فَانْظُرْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهِ مَا أَشْنَعَ هَذَا الْكَلَامِ وَمَا أَبْطَلَهُ. Regarde mon frère, regarde, ô mon frère, que Allah te fasse miséricorde, comme cette parole est laide, comme cette parole est fausse, et comme la personne qui dit cette parole, comme elle est effrontée, hein, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de son prophète et de sa sunna et de ses compagnons. Parce qu'il dit, même si tu ne dois pas sortir des quatre madahib, même si c'est en accord avec la parole du sahabi, même si c'est en accord avec le hadith authentique, et même si c'est en accord avec le verset dans le Coran, tu ne dois pas sortir. Mais ça, comment ça se fait? Comment ça? Si une position qui est en dehors des quatre madahib et qui est en accord avec le Coran et la sunna authentique et la parole des sahaba, puis tu dis, tu n'as pas le droit de le prendre. Il faut suivre les madahib. Mais c'est quoi? Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Où est-ce qu'elle est la logique de ces gens-là, franchement? Hein? Ça veut dire que la vérité peut être en dehors du Coran et de la sunna, selon ces gens-là. Oui. En fait, les questions, par exemple, qui sont mentionnées dans les exemples que le cheikh il a mentionné des cas spécifiques dans qu'est-ce qu'on a lu depuis le début du livre, mais ici il donne un exemple parce que des fois ça peut arriver que dans les quatre madahib il y a une position, ok, mais que il y a des ulama qui font partie de d'autres madahib qui ont contredit ces quatre madahib et qui ont des preuves qui supportent leur position et qui sont basées sur le Coran et la Sunna et le Hadith authentique. Comme par exemple, il y a le Madhab al-Zahiri, par exemple. Et dans certaines questions, peut-être qu'ils vont contredire les quatre Madhahib. Mais ils se basent sur le Dalil. Ils ne se basent pas sur la passion. Hein, ou bien ça peut être un parmi les imams de Ahl Sunna qui va avoir une position sur un sujet alors que les quatre madhahib, eux, ils ont une position différente. Et leur position, leur preuve n'est pas aussi forte que la preuve de celui qui a émis cette position et mais qui ne fait pas partie des quatre madhahib. Ça se peut. Et en réalité, c'est une chose qui revient souvent parce qu'on entend des fois « al-jumhur », parfois tu vois qu'il y a des ulama qui disent قال الجمهور كذا. En général, si tu entends la majorité, ça ne veut pas dire la même chose que al-ijma. Al-ijma, c'est le consensus. Et le consensus, c'est un dalil shar'i. Ça veut dire, après le Coran et la sunna, il y a l'ijma, consensus. Donc ça, c'est considéré comme une preuve dans la sharia. Mais al-jumhur, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que les quatre madahib peuvent être d'accord sur quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la position qui est correcte. D'accord? Et par rapport à ça aussi, c'est comme si des fois ils disent « Ah, oh, Ibn Taymiyyah, il a contredit le Jumhur sur certaines questions, il a contredit les quatre madahib. » Oui, des fois tu vas voir que Cheikh al-Islam, il va dire hein, « Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan min al-ulama, yani kada » ويعني الظاهر أو الصحيح وكذا. Il contredit qu'est-ce que les quatre madhahib ont dit. Et il y en a qui pensent que si quelqu'un contredit les quatre madhahib, ça veut dire qu'il est dans l'égarement, il est dans l'erreur. Parce qu'ils pensent que ces quatre madhahib-là, s'ils sont tous les quatre d'accord sur quelque chose, ils ne peuvent pas être dans l'erreur. C'est faux. Ils peuvent se tromper, les quatre, oui. Et même que parfois, il y en a trois qui sont d'accord sur quelque chose, il y en a un qui n'est pas d'accord parmi les quatre. Hein? Donc, est-ce que parce que les trois sont d'accord, ça veut dire que la position de celui qui est tout seul, elle est fausse parce qu'il est tout seul? Non. Ce n'est pas une question de nombre. Et ce n'est pas le nombre de savants qui approuvent une position qui détermine si cette position-là, elle est correcte ou non. Mais l'exemple que tu mentionnes, ou le cas que tu mentionnes là, ou bien qu'est-ce que tu demandes par exemple de donner un cas spécifique, yani, le cheikh il a juste cité ça de façon générale, il n'a pas donné d'exemple spécifique justement parce que il veut faire comprendre cette question de façon générale et non pas de regarder des cas spécifiques de sujets qui sont apparus ou qui se sont présentés dans les différents livres. Juste pour comprendre le principe en tant que tel, d'accord? Et non pas de regarder des questions individuelles ou des sujets individuels parmi les sujets sur lesquels les ulama ont pu avoir divergé. Hein? Ensuite, si c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas de dalil du tout, comme tu dis, un vide juridique, dans le sens qu'un sujet sur lequel il n'y a pas il n'y a pas un verset spécifique qui a été révélé. Et il n'y a pas un hadith spécifique qui a été mentionné parce que c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Et là, les ulama, ils vont faire un ijtihad sur cette question-là. Hein? C'est possible qu'ils divergent entre eux dans cet ijtihad. Mais ça, c'est des questions, comme on dit, la inkar, les ulama ils disent « la inkar fi masa il l'ijtihad ». C'est-à-dire, si c'est des questions comme ça, yani, il n'y a pas d'inkar parce que chacun, il se base sur ce qu'il a compris et sur ce qu'il sait, des principes et des règles pour établir quelque chose, mais il n'y a pas une position qui est plus vraie que l'autre. Et la sunna, aina. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, dans les questions d'ijtihad, c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas de nusus, il n'y a pas de texte. Mais si c'est des questions sur lesquelles il y a des textes, alors, on n'a même pas le droit de faire des jtihad dans ces questions-là. Parce que les ulama, ils disent « l'ajtihad ma'annas ». L'ajtihad ma'annas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire un jtihad s'il y a un texte explicite du Coran et de la Sunna sur un sujet quelconque. Naam. Al-mujtahid al-mutlaq. Ou al-mujtahid al-muqayyad al-ladhi huwa fil madhab, mathalan. إذا كان مجتهدا ولكن مجتهدا في مذهبه فقط لا يستطيع أن يجتهد خارج هذا والمجتهد المطلق الذي لا يعني يتعلق بأي مذهب هو ينظر مباشرة إلى النصوص إلى الكتاب والسنة ويستخرج ويستنبط منهما الأحكام مباشرة. Donc c'est ça la différence entre les deux. Le mujtahid dans le madhhab, il fait l'ijtihad seulement à l'intérieur de son madhhab. Tandis que le mujtahid al-mutlaq, il fait l'ijtihad et il regarde les textes directement pour extraire les verdicts et les règles sans se référer au madhab du tout. Hein? Comme l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, et ainsi de suite. Mais ces imams-là, yani, avant d'être, d'arriver à ce degré, ils ont gravi les échelons, comme on dit. Ils ont commencé par être des étudiants, puis petit à petit, ils ont augmenté dans leur connaissance et leur savoir jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce degré. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont atteint du jour au lendemain, d'accord? Et ils ont yani, passé par des étapes dans la science. Et les ulama, ils divisent les gens, comme on a dit déjà, entre mujtahid, muttabi' et muqallid. Al-muqallid, c'est lui qui n'a pas de compréhension ni de connaissance. Il ne peut pas comprendre les adillah parce qu'il n'a pas étudié. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux ulama, ceux parmi les hommes de science en lesquels il a confiance, et il leur pose la question. Comme Allah dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et les ulama, ils vont leur répondre et leur donner le hukum. Et il y a une autre catégorie, c'est des étudiants. Hein? Ils n'ont pas atteint le degré d'ijtihad, mais ils sont capables de comprendre les dalils et de comprendre les preuves et d'analyser les choses de façon élémentaire pour essayer de trouver la vérité. Alors, ces gens-là, on les appelle al-muttabi'un. Ils yattabi'un al-dalil. Ils vont suivre les ulama en essayant de comprendre les preuves qui sont rattachées aux questions et aux sujets. Et ça, c'est un degré intermédiaire. Puis, il y a le degré des mujtahidun. C'est ceux qui, eux, yani, ont atteint un degré dans la science, ils peuvent extraire les ahkam des textes directement. Donc eux, yani, ceux-là, ils n'ont pas le droit de faire le taqlid, du moins dans les choses dans lesquelles ils ont la science. Ils doivent faire l'ijtihad, faire l'effort pour trouver le dalil, pour trouver la preuve et faire le jugement selon ce qu'ils connaissent. Après, le cheikh, il dit « Wa amma qawluhu » وما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهو قول باطل قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة فالذي ينصره فهو هو الضال المضل. Donc le cheikh il dit, tandis que celui qui dit qu'il n'est pas permis de sortir des quatre madahib, même si leur position elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna et la parole des Sahaba, alors il dit ça c'est une parole qui est totalement fausse et en contradiction avec le Coran et la sunna, et l'ijma' des sahaba, et l'ijma' des quatre imams eux-mêmes. Même les imams des quatre madahib eux-mêmes sont contre cette position, cette idée-là. Et il dit, comme nous allons le clarifier, inshallah, et il dit, yani, donc celui qui supporte et qui défend cette opinion, c'est lui qui est l'égaré, égareur, non pas celui qui prend les preuves du Coran de la sunna, et la parole des sahaba et qui se base sur ça. Ensuite le cheikh dit wa amma qawluhu in al akhdh bi zawahir al kitab wa sunnah min usul al kufr fa hadha aydan min ashna' al batil wa a'zamihi wa qa'iluhu min a'zam al nas intihakan li hurmat kitab Allah wa sunnah rasulih sallallahu alayhi wa sallam subhanaka hadha buhtan 'azim wa al tahqiq alladhi la shakka fihi وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا، لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرا، والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد عما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس. Donc ici le cheikh il dit que en ce qui concerne la parole, lorsqu'il dit que de prendre dans le sens de prendre le sens apparent du Coran et de la Sunna fait partie des fondements de la mécréance, et ça aussi c'est une des paroles les plus fausses et les plus graves que quelqu'un peut dire. Et il dit que la personne qui dit ce genre de propos, eh bien, il a manqué de respect envers le livre d'Allah et la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, gloire à toi, Allah, ceci est une calomnie immense. Il dit, le cheikh, que la réalité à propos de ce sujet-là, c'est que, et la vérité sur laquelle il n'y a pas de doute, c'est que les sahaba du messager, sallallahu alayhi wa sallam, de même que la majorité, tous les ulama en général, ils disent, qu'il n'est pas permis de sortir du sens apparent du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam en aucun cas. Et dans aucune circonstance, jusqu'à ce qu'il y ait un dalil shar'i, pas aqli, comme les gens de bid'a qui disent un dalil, on se base sur un dalil aqli. Et quand tu regardes, tu vois qu'il n'est pas aqli du tout. Aqli, ça veut dire se base sur une preuve de la raison, de la logique. Et le cheikh, il dit, s'il y a un sens apparent, parce que c'est ça que les ulama, ils ont dit, s'il y a un sens apparent dans le Coran, dans la Sunna, on n'a pas le droit de s'en détourner pour aucun cas et dans aucune circonstance, excepté s'il y a un dalil shari, une preuve de la sharia, Coran ou Sunna authentique, qui va détourner ce sens apparent vers le sens qui est supposé ou sous-entendu. Pourquoi? Parce que il peut y arriver qu'il y ait un hadith ou un verset qui dise quelque chose, et il y a un hadith ou un autre verset ailleurs qui vient mentionner l'explication de ce verset ou de ce hadith pour nous faire comprendre qu'il n'est pas dans son sens apparent. D'accord? Mais il faut qu'il y ait un dalil pour prouver que c'est pas le sens apparent qui est celui qui est voulu. Tu peux pas te baser juste sur tes passions ou tes désirs ou ton imagination. Tu dis, ce verset-là, il faut pas le prendre dans son sens apparent. Ok, c'est quoi le dalil? Montre-moi la preuve dans le Coran et dans la Sunna que ce verset-là, il doit pas être pris dans son sens apparent. C'est pas juste comme ça, comme je disais tout à l'heure, comme j'expliquais tout à l'heure, que la parole en général, elle doit être prise dans son sens apparent. C'est comme si quelqu'un, par exemple, j'ai entendu cet exemple-là une fois et ça m'a fait rire pour de vrai. Quelqu'un, par exemple, son père, il lui dit, va arranger ta chambre. Et après, il reste assis, il ne le fait pas. Et quand il lui dit, par exemple, une heure plus tard, il lui dit, mais je t'ai dit d'aller ranger ta chambre. Et son fils qui dit, mais papa, je ne pensais pas que ta parole était dans son sens apparent. J'ai pris ta parole je l'ai interprétée dans un autre sens. Qui va dire ça? Qui va accepter ça? Si tu peux pas accepter ça, la parole d'un être humain, qui est ton père, quand il te donne un ordre et qu'il te dit de faire quelque chose, tu vas le prendre dans son sens apparent. Alors que dit de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre? S'il te dit Aqim al-salat, tu ne vas pas le prendre dans son sens apparent. S'il te dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, tu ne vas pas le prendre dans son sens apparent, tu vas le prendre dans quel sens. C'est pour ça que les gens de Bid'a, ils ont dit, logiquement, on ne peut pas dire que Allah est Mustawin ala al-Arsh. Il faut le déformer, il faut changer son sens apparent, parce que sinon, ça implique quelque chose qui est logiquement contraire à la vérité. Parce que selon Platon et selon Aristote, si tu dis ça, ça implique ça, et donc ça c'est faux. Et nous, on dit non, non, non. C'est pas comme ça qu'on doit prendre la révélation d'Allah. Ce que Allah il dit, il faut l'accepter. Si toi, tu t'es inventé dans ta tête des choses et tu te bases sur ce que tu as imaginé dans ton esprit, tu dis c'est ça que Allah a voulu alors que c'est pas ça du tout. Puis à cause de ce que tu as compris incorrectement dans ta tête, tu veux déformer le sens apparent du texte pour lui donner une autre signification différente. Hein? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de jouer avec le livre d'Allah, de jouer avec la révélation d'Allah. C'est comme aujourd'hui, par exemple, des gens qui ont été éblouis par les koufars et par leur société, par leur civilisation, par leur système, et qui cherchent à justifier tout ce que ces gens-là ont établi ou inventé par qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran. S'ils trouvent dans le Coran un verset qui contredit ce qui est dans la société occidentale, ils disent, bon, ce verset-là, il ne faut pas le prendre dans son sens apparent. Pourquoi? Parce que la référence pour eux, c'est qu'est-ce que la société occidentale a décidé. D'accord? Donc, si par exemple, la société occidentale a dit, pour établir un dirigeant et pour faire un gouvernement, il faut baser ça sur la démocratie, et dans la démocratie, les femmes et les hommes, ils sont égaux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, quand tu regardes dans le Coran, tu dis, ah, il y a un problème parce que dans le Coran, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Alors, il faut changer ça. Donc, ça ne veut pas dire, ce n'est pas son sens apparent. Hein? Là, il faut changer l'interprétation du verset pour lui donner un autre sens qui va être en accord avec ce que la société occidentale veut. C'est exactement cette attitude-là qu'ils ont adoptée vis-à-vis de la révélation d'Allah, et ça c'est grave. Ça c'est grave, c'est ça qui est kouf. Et non pas le fait de prendre le sens apparent du Coran. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit, celui qui dit que d'appliquer le sens apparent du Coran et de la sunna, alaykoum salam, celui qui dit que de prendre le sens apparent du Coran et de la sunna fait partie des fondements du kouf, il dit cette parole-là ne peut jamais venir, hein, ne pourrait jamais venir d'un savant qui connaît le Coran et la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ce genre de parole peut uniquement provenir d'une personne qui n'a aucune connaissance du livre d'Allah et de la Sunna à la base. Et il dit, à cause de son ignorance du Coran et de la Sunna, il a cru que le sens apparent du Coran et de la Sunna était la mécréance. À cause de son ignorance, il pense que le sens apparent, c'est la mécréance. Hein? Donc, c'est ça qui est grave quand quelqu'un il a une maladie. Quand quelqu'un il a une maladie dans son cœur, c'est quoi le résultat de qu'est-ce que ça a comme effet quand il a cette maladie dans son cœur? L'effet, c'est quoi? C'est que quand il va entendre quelque chose dans le Coran, dans la Sunna, qui contredit ce que lui, il pense, eh bien, il va essayer de penser qu'il y a un problème dans le Coran. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont des doutes en l'islam ou des positions de honte ou de gêne par rapport à l'islam parce que dans leur cœur, la vérité est en dehors du Coran et de la Sunna. Et donc, quand tu leur mentionnes qu'est-ce que Allah dit dans le Coran, ils ont des doutes ou bien ils ont honte. Ou bien ils sont embarrassés, ou bien ils sont gênés de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou son messager a dit, parce que pour eux, le sens apparent de ce qui est écrit, ils l'ont compris d'une façon erronée. Hein? Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc le cheikh dit, « وَالْوَاقِعُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّ ظَاهِرَهُمَا بَعِيدٌ عَمَّا ظَنَّهُ أَشَدَّ مِنَ الشَّمْسِ مِنْ بُعْدِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّمْسِ » C'est-à-dire que la réalité, c'est quoi? C'est que le sens apparent du Coran et de la Sunna est plus éloigné de ce qu'il a pensé dans sa tête que le soleil est hors de notre portée. Hein? C'est-à-dire que la distance qui existe entre, yani, qu'est-ce que le Coran dit et le sens apparent du Coran et de la Sunna et qu'est-ce que cette personne-là, elle a imaginé dans sa tête et qu'est-ce qu'elle pense, yani, c'est plus loin, plus éloigné que la distance entre nous et le soleil. Ça veut dire qu'il est loin, complètement éloigné de la réalité de qu'est-ce que le Coran et la Sunna nous enseignent en réalité. Mais à cause de son égarement, en réalité, le cheikh, il dit l'ignorance. Mais ça, ce n'est pas une simple ignorance. Hein? Ce n'est pas de simple ignorance. Parce que ce monsieur-là, sûrement que si tu lui demandes, il connaît plein de versets dans le Coran. Probablement qu'il a mémorisé le Coran par cœur au complet, du début jusqu'à la fin. Et si tu lui mentionnes, si tu lui demandes des hadiths, il connaît plein de hadiths. Et il peut peut-être même te les citer avec la chaîne de transmission. Donc, l'ignorance dont il parle ici, ce n'est pas l'ignorance, le fait de ne pas savoir. L'ignorance ici, c'est, hein, comme les ulama, ils disent, « Al-jahlu al-murakkab ». Il y a « Al-jahlu al-basit » ou « Al-jahlu al-murakkab ». « Al-jahlu al-murakkab », c'est beaucoup plus grave. « Al-jahlu al-basit », « Al-jahlu al-adi », l'ignorance ordinaire, c'est lorsque tu ne sais pas quelque chose. Tu ne le sais pas du tout. Alors là, je viens et je te le montre. Et là, une fois que tu le sais, ça y est. Hein, tu vas dire, ah, je ne savais pas ça. Maintenant, je le sais, bon, je l'applique, je le fais. Ou je le crois. Mais, jahl al-murakkab, ce n'est pas ça. Jahl al-murakkab, ça veut dire, tu sais la chose, mais la façon dont tu l'as appris, on te l'a appris de façon incorrecte. Hein? Alors toi, quand on t'explique la vérité, tu dis, non, ce n'est pas ça, la chose correcte. La chose correcte, c'est l'autre chose que moi j'ai appris. Wa alaykoum salam. Alors que toi, tu lui dis, non, ce n'est pas ça la vérité, c'est autre chose. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? C'est ça. C'est comme par exemple, quelqu'un qui est Ash'ari. Il a appris de son cheikh que yani, quand Allah il dit que yani, qu'il a une main, hein, lui il a appris de son cheikh que sa main ça veut dire sa force ou sa main ça veut dire sa grâce. Alors toi tu viens puis tu lui dis la main d'Allah. Alors il dit, mon frère, il faut pas dire la main, hein? Ça veut pas dire ça, ça veut dire ça. Tu dis, mais non, la main, c'est la main. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Allah, il dit qu'il a une main, c'est la main réelle. Hein? Mais qui ne ressemble pas à celle de ses créatures. Alors, c'est beaucoup plus facile d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Tu lui dis, Allah, il a une main. Il dit, ah, je ne savais pas. Et puis, tu lui montres le verset. Il dit, ah, barakallahu fik, maintenant, je le sais. Mais quelqu'un, il a appris qu'Allah, il a une main, sauf qu'on lui a fait comprendre que la main, ce n'est pas une main, c'est la force ou la grâce. Hein? Donc, lui, de lui faire enlever de sa tête cette fausse compréhension qu'il avait et de la remplacer par la vraie connaissance qui est authentique, ça, c'est beaucoup plus difficile. Hein? Et donc, c'est pour ça que l'ignorance, elle est en degré. Et ici, on parle de, en arabe, al-jahl, al-murakkab, hein, parce qu'elle est superposée, cette ignorance-là. Elle est doublée, elle est plus grave. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, on continuera au prochain cours, la suite de ce cours. On a fini le chapitre. Et il nous reste maintenant juste le dernier chapitre du livre, ou bien l'avant-dernier, mais le dernier, il est vraiment pas long. C'est même pas une page et demie. Donc, on peut dire il reste peut-être quelques pages, comme, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages environ. Donc, Inch'Allah, on va commencer le dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre la semaine prochaine, Inch'Allah. Et le titre de ce chapitre, c'est « Rasmul fiqh sahih littarbiyati wa ta'lim ». C'est-à-dire, le cheikh, dans ce chapitre-là, il va nous expliquer c'est quoi la bonne façon, la bonne méthode d'enseigner le fiqh et d'apprendre le fiqh. C'est quoi la bonne façon et la bonne méthode, la bonne méthodologie si tu veux apprendre le fiqh? Et est-ce qu'on apprend avec un madhab? Est-ce qu'on apprend avec un matin? Est-ce qu'on n'apprend pas avec un matin? C'est quoi la méthodologie? Parce qu'il y a beaucoup des fois, il y a des divergences entre les tullab. Il y a certains étudiants qui disent une chose et il y en a d'autres qui disent une autre chose. Et des fois, on dirait que ça, c'est comme des modes à certaines époques. à certaines époques, il y a certains élèves qui viennent puis qui disent, oh, moi, je préfère ça. Et il y en a d'autres qui arrivent qui disent, oh, moi, non, je veux faire ça. Et il y en a que, il y en a, c'est juste comme, il y en a qui aiment contredire les autres juste pour être différents. Hein? Yani, khalif tu'raf. Hein? Fais pas comme les autres, tu vas te faire connaître. Donc, ils veulent se faire connaître, alors ils vont dire quelque chose de différent juste pour se faire remarquer. À la kulli hal, yani, on va lire ça la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.